de ma cheat model. Oui, si, si. Même dans le doute, je suis confiant. Mon sang est entre les mains qui pensent. Même dans le doute, je suis confiant. Mon sang est entre les mains qui pensent. Tricard depuis mes premiers pas dans la zone. J'ai pas mon place dans ton phone. Donne pas mon number à cette folle. Le microphone c'est mon glaive. Chronique dans un deux feuilles pour que ton âme se soulève. Tu connais pas mes rêves. Un bref art qui se prépare à faire mal. Joue les cartes de sa vie en bluffant le shaitan. Entrepreneur de mon label le XPLO. Zif click, faut faire du B vite car ça devient chaud. Mettre à gauche et faire du bénéfice. On fait tous bélec depuis que les decks prennent en photo le check check. Prends un peu le QG, localisé dans une arrière-cour de café. Tu vois en mon discours un danger, ils disent tous merde. Comment faire pour qu'ils se taisent? Il est bel et conscient, c'est nous fout dans la merde. C'est la franchise de vos guerres industrielles. C'est pas à mes punchlines que tu mettras un string ficelle. Putain de colère locale pour cette rage universelle. Moi j'suis sur la bonne voie si les grands hommes ont souffert. Frère, l'asphalte a vu des frères mourir. Le rap game a vu des carrières se détruire. Des carrières se construire et des rappeurs de légende. Pendant que des youvois se prennent du 9 mm dans les jambes. Un père sur les mers de l'Atlantique. Une mère seule garde malade s'occupant de ses trois fils et sa corps et âme. La tête entre les paumes de la main. Regard vers le sol, le visage blessé. Je pense à demain. Mais ces vieux connards de l'hémicycle ne comprennent pas les jeunes. Compare ma plume à vos kills de seum. Bref, ils font comme si de rien n'était. Ce qui fait que tu peux te faire allumer dans un square en plein été. Adil et Neu et Bego, c'est pour bientôt dans les bacs. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour que ces jeunes se démarquent dans des moitiés modèles. Pour les langues de pute qui parlent mal, si j'ai mes business à gérer, c'est déjà pas mal. La mauvaise herbe pousse dans le jardin du diable. On cultive l'espoir, grosse balle dans le chargeur. Par balle dans la cabine de prise, je vois l'écho de l'éternité dira vive le roi. Donc comme Achille de Troie, je cherche à marquer l'histoire. Je cherche à faire du chiffre pour me sortir de là.